la démocratisation dans les pays du tiers-monde, dans les pays sous-développés, c'est aussi un passage incontournable. Parce que c'est quoi la démocratisation du pouvoir? C'est la mobilisation de toutes les forces vives de la nation, quelles que soient les sensibilités politiques de chaque citoyen. Nous sommes conscients que le multipartisme, c'est une forme de démocratisation. Mais à l'étape actuelle, il faut être aussi honnête et reconnaître que le niveau de développement des pays du tiers-monde, pour la plupart, ce niveau est tellement bas que la démocratisation rencontrera des difficultés sur le terrain. Le Gabonais Serge Mba, ministre de la Santé et membre de l'opposition.